deuxième temps de notre semaine consacrée à l'épuration qui a suivi la Seconde Guerre mondiale en Europe. Aujourd'hui, le documentaire signé Anaïs Quien et Françoise Camard. Après avoir évoqué hier la situation au Luxembourg et en Union soviétique, et avant demain de nous poser la question des amnisties et jeudi de plaider pour une histoire comparée et européenne de l'épuration, nous allons ce matin nous pencher sur un cas très particulier, celui d'un certain Jean Barbier. Vous ne le connaissez pas, à moins peut-être que vous viviez dans la région de Grenoble ou dans l'Isère, département où il a sévi pendant la Seconde Guerre mondiale et dans lequel il a porté main forte aux nazis. Il a été arrêté simplement dans les années 60, à une période où l'on a coutume de penser que l'épuration était terminée. Ça n'est pas son cas. Jean Barbier, un collaborateur en Isère, un documentaire d'Anaïs Quien et de Françoise Camard, avec les analyses de Tal Brutmann, d'Olivier Cogne, d'Olivier Valade et de Raymond Avrier, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Le calme est revenu à la prison de Melun. Les deux détenus qui avaient pris en otage Jean Barbier se sont rendus. Au départ, ils voulaient que l'ancien chef de la Gestapo de Lyon fasse publiquement des aveux et soit ensuite jugé en Israël. Condition irréalisable, le chef de la communauté juive de Melun l'a fait comprendre aux deux détenus. Ils se sont rendus à ses arguments. Barbier s'en tire donc avec une légère coupure au cou. Son histoire remonte à 1943, Michel Forgit. 1943 dans l'Isère, Barbier, petit voleur minable, est arrêté à Saint-Marcellin. À cette époque, on peut échapper à la justice en se livrant à certaines activités. Jean Barbier se met à la disposition d'un certain André Francis, plus connu sous le nom de Gueule Tordue. C'est l'homme du PPF à Lyon, le Parti Populaire Français de Jacques Doriot. Barbier est l'homme de toutes les situations, arrestations de résistants, tortures, raids dans le maquis. Barbier est un spécialiste de la baignoire où il adore « travailler le juif », comme il dira à l'époque. Nous sommes en mars 1944. Jusqu'à la libération, Jean Barbier accompagne les Allemands dans leurs expéditions contre les maquis, au Vercors en particulier. À l'heure de la débâcle, il prend la fuite avec 150 millions. Retrouvé par les Allemands, il est envoyé à Mauthausen. Fort habile, on le retrouve plus tard à Paris, au service de la sécurité militaire, un comble. Malgré une fausse identité, il est retrouvé et arrêté en 1962, où il est condamné à mort pour la deuxième fois. Même chose en 1965, mais la décision ayant été cassée pour des motifs juridiques, elle est renouvelée en avril 1966. Barbier échappera au peloton d'exécution car il sera gracié par le général de Gaulle le 29 juillet 1966. On ne refait pas l'histoire derrière les murs d'une prison, mais Barbier a eu plus de chance que ses victimes. Ce matin, pour la quatrième fois, il a sauvé sa tête. Jean Barbier, un collaborateur en Isère. Une archive qui interpelle, un collaborateur séquestré par ses codétenus 30 ans après la fin de la guerre, l'aventure carcérale de Jean Barbier nous replonge alors dans les années sombres de l'histoire de France. Ils sont plusieurs à avoir ainsi échappé à la justice de l'épuration d'après-guerre jusqu'aux années 60. Arrêtés à la Libération, ils auraient probablement payé de leur vie leurs affinités nazies ou vichistes. Dans les années 80, leur procès aurait fait les gros titres de la presse nationale. Entre l'épuration de la Libération et les célèbres procès de Barbie, Touvier et Papon, Jean Barbier apparaît alors comme un symptôme résiduel de l'occupation face au roman héroïque de la résistance française. Il est 6 heures. Grenoble, surnommée la capitale de la résistance, reçoit aujourd'hui le général de Gaulle et Grenoble est en fête. Sur la piste de cet ultra-collaborateur ordinaire, investi dans la traque des résistants et des juifs de France, repérer et dresser la liste précise de ses exactions tient du pari perdu d'avance, tant la galaxie de ses milices, groupes d'action et autres mouvements de jeunesse réactionnaire s'avère vaste et indéchiffrable. Ville de Grenoble, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur et par la victoire. Les traces ténues de la vie de collaborateur de Jean Barbier apparaissent à Grenoble, non loin du Vercors. Puissant symbole de la résistance, étape du maréchal Pétain en tournée officielle en mars 1941, quelques mois après l'entrevue de Montoire qui avait fixé pour quelques années le principe de la collaboration de la France vaincue avec son occupant allemand d'une poignée de main échangée sur un quai de gare entre Hitler et Pétain. Et maintenant, c'est le défilé des troupes qui commence. Voici d'abord les chasseurs du Vercors, en bleu marine, précédés de leur musique. Grenoble est une ville compagnon de la Libération, une des 5 villes compagnons de la Libération. C'était aussi une ville de collaboration. Raymond Avrier. Et la relecture des archives, qui pour certaines n'avaient même pas été exhumées, montre l'importance de ce réseau d'administrateurs provisoires, de spoliateurs, de collaborateurs qui irriguaient l'ensemble de la société à Grenoble jusqu'au plus haut niveau, et aucun travail n'a été fait sur la collaboration à Grenoble, sur les collaborateurs. Ça passe par des histoires personnelles. Et plus on tarde, plus la mémoire disparaît. Et c'est maintenant au son de la nouvelle des tirailleurs marocains que passe devant nous une division de la première armée française. Le général remonte en voiture. La foule, frénétique, fanatisée, le suit comme un irrésistible raz-de-marée qui déferle par toute la ville. Inter, actualité. Une affaire dont on parle beaucoup à Grenoble et qui soulève là-bas la plus vive émotion parmi les résistants, les anciens résistants, c'est l'affaire Barbier. 28 mai. Jean Barbier. 1963. C'est cet homme qui, pendant l'occupation, était, lui, français, le chef de la Gestapo de Grenoble. Il a disparu, il avait disparu pendant près de 20 ans. On l'a retrouvé à Marseille, où il vivait depuis des années, sous un faux nom. Or, on a appris qu'il avait été laissé en liberté provisoire. Les résistants dauphinois ont publié un manifeste dans lequel, disent-ils, ils entendent proclamer leur indignation contre les incompréhensibles mesures de clémence dont a bénéficié jusqu'à ce jour Barbier. Barbier qui a dénoncé, qui a torturé, qui a mis à mort, dans les conditions les plus atroces, des dizaines de patriotes. Les résistants dauphinois, je cite toujours, s'adressent aux plus hautes autorités du pays pour que les crimes de Barbier ne restent pas impunis et que sa mise en jugement soit poursuivie avec une rigueur implacable. Fin de citation. Jean Barbier a la particularité d'être avec deux autres anciens collaborateurs, les derniers à avoir été libérés. Fabrice Virgili. Ils sont condamnés à mort par contumace en 1945, et donc après 1965, a priori, il pourrait y avoir une prescription, puisqu'ils ne sont pas du tout à l'époque poursuivis pour crimes contre l'humanité, qui à l'époque n'avaient pas été utilisés en droit français contre des Français. Ils sont poursuivis pour, selon l'article 75, c'est-à-dire le crime de trahison. Ils ont été donc condamnés par contumace en 1945 parce que ce qu'ils avaient commis relevait de la trahison. Mais on sait bien, en France, on peut être condamné à mort par contumace si on est arrêté ou si on se livre, ce qui est le cas d'ailleurs de Jean Barbier, finalement, après un concours de circonstances, on est rejugé entièrement. On peut être très bien condamné à mort par contumace et puis finalement avoir 6 mois avec sursis. La condamnation à mort par contumace permet d'avoir un discours de sévérité, mais dans la réalité n'a pas d'effet puisqu'on est entièrement rejugé. C'est une application automatique du maximum de la peine prévue dans le cas de la trahison. Le maximum étant la peine de mort, on est, quand on est poursuivi pour l'article 75 de la Libération, automatiquement condamné à mort par contumace, puisque c'est l'article 75. Et comment se déroule son arrestation ? De mémoire, sa belle-fille est en fugue et elle se fait contrôler, je crois, par les gendarmes. Et lors de cet interrogatoire, elle dit que son père ne s'appelle pas Royer, je crois que c'est le nom d'emprunt qu'il avait pris, mais Barbier, et qu'il craint la police. Et donc, puisqu'on se trouve à Marseille, une vérification est faite dans le fichier de la gendarmerie, et il s'avère qu'un Jean Barbier, effectivement, a été condamné à mort par contumace pour fait de collaboration. Et il est toujours recherché ? À ce moment-là, il n'est plus recherché. Il y a comme ça des centaines de fiches qui dorment. Et là aussi, c'est le hasard, c'est parce qu'il est arrêté à Marseille que sa fiche est présente. Il serait arrêté n'importe où ailleurs, on n'aurait pas retrouvé son identité. Et bien à ce moment-là, on voit qu'il a été condamné à mort par contumace. Et donc, évidemment, la procédure s'engage. Et donc il est rejugé. Il est rejugé, et c'est vrai que vu l'ampleur des crimes dont il est accusé, il est cette fois-ci condamné à mort. Jean Barbier va avoir une ligne de défense assez particulière, mais qui va prendre toute sa résonance une vingtaine d'années plus tard, c'est qu'il va plaider l'homonymie avec un certain officier allemand responsable de la police allemande à Lyon, qui s'appelle Barbie. Tal Brutmann. Il explique que non, celui qui est responsable de tous les crimes qu'on impute à lui, Jean Barbier, ce n'est pas lui, mais c'est Barbie, qui est le responsable de la police allemande à Lyon. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on lit les déclarations au moment de son arrestation, puis des informations qui circulent, puis du procès, c'est que c'est vraiment sa ligne de défense. Sauf que dans les années 60, Klaus Barbie n'existe pas encore dans l'imaginaire collectif. Il n'est connu en fait que par les anciens résistants essentiellement. L'homme qui a arrêté Jean Moulin, qui a torturé Jean Moulin, ne va vraiment avoir toute son importance mémorielle que dans les années 70, quand il va être traqué en Amérique du Sud. En fait, cette façon de plaider montre surtout que Barbier connaissait tout l'organigramme de la police allemande de la région. C'est-à-dire que il connaît le nom du principal responsable, tout simplement parce que, enfin, d'un des principaux responsables, tout simplement parce qu'il a travaillé avec Klaus Barbie, puisque Francis André était sous les ordres directs de Klaus Barbie. Donc, ça reflète surtout sa connaissance parfaite des différents rouages, des mécanismes de l'organisation de la CIPOSD dans la région de Lyon. En l'occurrence, cette ligne de défense ne fonctionne pas vraiment. Non, elle ne fonctionne absolument pas. De toute façon, il y a suffisamment d'éléments incriminants. D'autre part, le travail qui est réalisé par la police et par la justice montre le fonctionnement de son équipe et qu'on a affaire à des équipes intégrées dans la police allemande mais qui agissent en toute autonomie. C'est-à-dire qu'elles ont des marges de manœuvre considérables, elles ont des objectifs et libre à elles d'atteindre ces objectifs de la manière dont elles l'entendent. Et de fait, ces équipes-là ont littéralement laissé des sillons sanglants dans toute la région. Donc Barbier ne peut pas échapper à la justice. Sur cette page que Jean Barbier s'est marié à Grenoble, puisque Jean Barbier n'est pas grenoblois, il est de Marseille. Oui, effectivement, cet homme avait une vie maritale, il était marié, il était père de famille. Olivier Cogne. Ce qui n'a pas empêché, malgré cette posture, de perpétrer les exactions, en particulier à partir donc, du printemps 1944, de mai 1944, où son action dans la région de Grenoble est particulièrement intense. Donc il était effectivement marié à Georgette Pochelon, qui était originaire, elle, de la ville de Grenoble. Il est indiqué que c'est la fille d'un industriel, c'était un industriel important de la ville ? Non. Le milieu social dans lequel baigne Jean Barbier est relativement modeste. Il mène ensuite une vie en marge de la vie familiale, n'est quasiment plus en rapport de façon très épisodique avec son épouse et sa famille, du moment où il entre donc dans cette période d'activité intense contre la résistance ou contre tous ceux que le régime de Vichy considère comme suspects ou antinational. Hein, vous savez, pour reprendre l'expression, donc c'est très très large. Ça concerne bien sûr les résistants, les juifs, les communistes, les francs-maçons, enfin voilà, tous ceux qui finalement sont visés par l'idéologie du régime de Vichy. Les militants se sont précipités vers Jacques Doriot, mais Jacques Doriot s'est dérobé à leurs acclamations. Il est rentré dans la maison du Parti populaire français, et je pense qu'on va le voir apparaître au balcon. Beaucoup de ceux qui ont eu affaire à lui donc n'ont malheureusement jamais pu témoigner puisqu'il n'était plus là. Lui, on a affaire à un homme qui va assez loin dans les sévices. Cet homme est un des pires ennemis de la résistance au niveau local. Alors, résistance, bien sûr, mais aussi la population juive qui a été nombreuse dans notre région, puisque vous le savez, l'Isère en particulier a été marquée par l'occupation italienne de la fin 42 à septembre 1943. Ça explique en partie le fait que l'Isère a été une terre de refuge pour la population juive, puisque pendant ce laps de temps, la population juive n'a pas été inquiétée. C'est-à-dire que, bien que les autorités de Vichy avaient des assises locales, avec un préfet de l'Isère qui était établi à Grenoble, et qui aurait souhaité, lui, continuer l'œuvre, la politique antisémite du régime de Vichy, on en a des documents qui l'attestent, eh bien, les troupes italiennes, et notamment le commandant en chef des troupes italiennes à Grenoble, ont stoppé tout bonnement les arrestations et les déportations des populations juives réfugiées dans la région, qui, à ce moment-là, gagnent son titre de terre de refuge pour les populations juives. La suite, vous la connaissez, elle est très différente. Septembre 43, arrivée des troupes allemandes qui prennent la suite des troupes italiennes. Et là, jusqu'au mois d'août 1944, action de la Wehrmacht, action de la SS, action des collaborateurs français, extrêmement importante, virulente, contre cette population, avec, par voie de conséquence, plus d'un millier de Juifs qui étaient réfugiés dans la région, qui vont être arrêtés et déportés. Au nom de dizaines de milliers de manifestants parisiens et des 7200 délégués du Congrès du Parti populaire français, nous demandons au gouvernement de déclarer immédiatement la guerre à l'Angleterre et aux États-Unis, d'adhérer au pacte anticominterne, de laisser se constituer un corps de volontaires pour répondre à la trahison de certains éléments militaires. C'est un garçon qui est né dans la région, dans un petit village qui se trouve entre Grenoble et Valence, qui a eu quelques démêlés avec la justice, mais qui relève plus de l'anecdote que d'un parcours de criminel. Et puis, Tal Brutmann, il a une adhésion idéologique au PPF au début de la guerre. Le PPF, c'est une sorte de mix entre, d'une part, un nationalisme exacerbé, mais aussi un internationalisme. Tout simplement parce que le Parti populaire français est fondé par d'anciens communistes, Doriot et les hommes qui sont autour de lui, qui ont en tête cette dimension internationaliste, mais de l'international communiste, ils passent à l'international brune. Et pour eux, c'est le combat avec l'Allemagne contre le bolchevisme qui prime à partir de l'été 1940. Et il devient de plus en plus évident au fur et à mesure de la guerre que le combat qu'il mène est exactement le combat que mène le Troisième Reich. Doriot va d'ailleurs partir combattre sur le front de l'Est. Donc lui se met au service de la cause qu'il défend. Et son parti va agir de même en France, aux côtés des Allemands. On est vraiment dans une démarche cohérente, idéologiquement cohérente. Très jeune, non ? Très jeune, mais quand on regarde ce qu'est le militantisme en général, le militantisme, c'est l'entrée de jeunes personnes au service d'une cause, quel que soit le parti auquel ils adhèrent. C'est le cas avec Barbier pour le PPF à Grenoble, c'est le cas avec les jeunes de l'Europe Nouvelle qui ont en gros 21-22 ans de moyenne d'âge, toujours à Grenoble. C'est presque une constante normale qui fait partie du militantisme. D'un côté, on a les intellectuels de la collaboration, les gens qui ont 40-50 ans, ou ceux qui se regroupent dans le groupe qui s'appelle Collaboration, qui regroupe plutôt les personnes qui sont d'un certain âge. Et puis, vous avez ceux qui veulent en découdre et qui s'engagent physiquement aux côtés des Allemands. Et c'est, somme toute, normal de retrouver des gens âgés entre 18 et 25 ou 30 ans à l'époque. On a affaire à un homme politiquement engagé qui met au service des Allemands la violence qu'il estime nécessaire, et ce sont des jeunes hommes qui ont tout pouvoir et qui agissent comme tels, c'est-à-dire qu'ils ne sont soumis à aucune autre autorité que l'autorité allemande. Ils s'estiment en surplomb de tout, aussi bien le vulgus pecum que l'administration française. Pour eux, c'est des broutilles, ça n'a aucune espèce d'importance. Le nombre d'incidents rapportés par la police, la gendarmerie ou même les services préfectoraux est impressionnant, puisqu'ils n'hésitent pas à rentrer dans les bureaux de la police ou même une fois au sein de la préfecture pour demander des comptes ou faire valoir qu'eux sont supérieurs aux autres en termes d'autorité et de pouvoir. C'est vraiment une idéologie forte, cohérente et qui est très proche de ce qu'est le nazisme. Allô, allô, le maréchal Pétain va parler. Allô, allô. 1er janvier 1940. Mes chers amis, en cette journée consacrée à la France, les acclamations qui montent vers elle. Tal Brutmann, qui est Jean Barbier lorsqu'il arrive à Grenoble? C'est un membre de la police allemande, de la CIPO-SD. Il fait partie du poste lyonnais de la police allemande qui contrôle l'ensemble de la région. Il travaille sous les ordres d'un homme qui s'appelle Francis André, dont le surnom est Gueule Tordue en raison de son faciès pour le moins déformé. Et Francis André est le responsable du groupe PPF qui se met au service des Allemands dans le courant de l'année 1943. Ce sont tous des militants du PPF, le parti de Doriot, mais des hommes idéologiquement convaincus. André a été combattu sur le front de l'Est, il est revenu en France au bout de plusieurs mois, mais en restant impliqué dans ces combats. Et c'est très logiquement qu'il rentre au service de la police allemande, non pas sur une démarche individuelle, mais tout simplement parce qu'il y a eu des négociations au sein du parti avec la SS en France, avec Karl Oberg, autour de l'appui que peuvent donner ces militants de l'ultra-collaboration à la CIPO. Et l'accord qui est trouvé implique notamment que l'argent qui sera pris aux Juifs arrêtés sera en partie reversé aux caisses du parti de Doriot. Il s'agit de rentrer au service de la police allemande pour la soulager d'un certain nombre de tâches, puisque la police allemande a un problème d'effectifs en France. Ils ne sont que 3000 pour l'ensemble du territoire avec énormément de missions. Et en gros, ce qui découle des déclarations et de ce qu'on a pu recouper, c'est que le rôle de ces hommes au sein de la police allemande, c'est de traquer les Juifs et les résistants. Revenons à Paris, où une exposition très intéressante vient d'ouvrir ses portes. C'est l'exposition « Le Juif et la France ». J'entre dans le hall. Mon cher ami, qu'est-ce que cette grande statue de plâtre que je vois au fond ? Eh bien, cette statue de plâtre a pour but tout d'abord de montrer les caractéristiques ariennes. On voit... cette femme avec un enfant, c'est l'arienne, n'est-ce pas ? Oui, c'est l'arienne. La mère. Puis au-dessous, voyez-vous, on voit le Juif dominant le monde et essayant de dominer l'arien. Et nous arrivons à une partie de l'exposition qui veut atteindre le Juif dans les professions libérales. Ici, n'est-ce pas, c'est la peinture nègre qui était présentée dites peinture nègre, naturellement, dadaïsme, etc. Enfin, toutes ces études en Nice, n'est-ce pas. Et nous en voyons quelques exemplaires ici qui nous en dégoûtent singulièrement. Et Jean Barbier est chargé de quoi exactement ? Au départ, c'est l'un des hommes d'André, qui fait partie de l'équipe, qui a une quarantaine de militants autour de lui. Il travaille à Lyon, au sein des équipes du PPF, et puis en mai 1944, il va être détaché à Grenoble, à la tête d'un groupe de 5 hommes, et en fait, on est dans un contexte très particulier. Le PPF met sur pied ce qu'il appelle les groupes d'action pour la justice sociale, qui sont chargés officiellement de traquer les réfractaires du STO. En fait, il s'agit de nouvelles équipes montées au service de la police allemande qui vont avoir pour mission essentielle, aussi bien à Lyon qu'à Grenoble, de traquer à nouveau les Juifs et les résistants. Et c'est ce qu'ils vont faire durant 4 mois, de mai à août 1944, ici. Des gens qui, en plus, viennent répondre à une nécessité fondamentale. Ils connaissent le terrain, ce sont des locaux, alors que les Allemands débarquent littéralement en France. Des gens qui arrivent de Stuttgart ou de Francfort à Lyon ou à Grenoble ne connaissent pas le terrain. Les collaborateurs locaux leur apportent cette dimension-là. Non seulement ils connaissent le terrain, mais en plus ils connaissent les habitants. Ils savent qui est de la ville ou du village et qui est un étranger. Donc si c'est un étranger, à plus forte raison, il y a de fortes chances que ce soit un réfugié juif. Donc ce ne sont pas tant des mercenaires ou même pas des auxiliaires, ce sont des membres à part entière de la police allemande, sous contrôle allemand, mais avec une très grande autonomie. Ici, Londres. France. 7 février 1944. On n'a que des renseignements contradictoires et fort vagues sur la situation en Haute-Savoie, où Darnan, le lieutenant de Himmler, a ordonné de traquer les patriotes français cachés dans les montagnes. On signale de nombreuses arrestations dans la région d'Annecy, mais les patriotes restent sur le civil. Dans son numéro de samedi, le journal de Genève annonce que 3 locomotives ont déraillé dans l'après-midi du 3 février entre La Roche-sur-Foron et Régnier. Ce déraillement a bloqué les voies qui font maintenant l'objet d'une surveillance étroite. La résistance, de son côté, elle s'organise tant bien que mal, dans la clandestinité. Olivier Valade. Elle a été habituée dans notre région à ne pas subir une répression trop féroce, puisque les Italiens ne se sont pas montrés extrêmement violents en termes de répression contre la résistance, ni contre les Juifs d'ailleurs. Par contre, les Allemands, c'est autre chose, et la résistance doit s'habituer à l'automne 43 à plus de règles de clandestinité. Alors, il y a un certain nombre de dirigeants de mouvements de résistance qui ont peut-être joué d'imprudence par rapport à ces règles de clandestinité. Toujours est-il que, en collaboration avec l'ESD, une équipe de Francis André, donc de Lyon, de ces groupes d'action, descend sur Grenoble et, en 3 ou 4 jours, décapite réellement la résistance locale. Une 30aine de personnes sont ainsi assassinées, parmi lesquels Gaston Valois, qui est le chef des MUR, donc des Mouvements Unis de la Résistance, Jean Bistési, Jean Perrault, Jean Pin, un certain nombre de figures de chefs de la clandestinité, jusqu'au doyen Gosse, doyen René Gosse, qui était professeur de la faculté de Grenoble, qui était quelqu'un de très estimé dans la région, et qui a été assassiné ainsi que son fils, un peu plus tard que ce qu'on appelle la Saint-Barthélemy, qui va du 25 au 30 novembre. Doyen Gosse a été assassiné un tout petit peu après, mais on a l'habitude de l'intégrer un peu aussi dans ces massacres. Et ça a réellement frappé la résistance. Hein, la résistance a été frappée au cœur. Alors, il s'agissait de la résistance non communiste, puisque la résistance communiste, elle, par contre, le Parti communiste étant clandestin depuis 1939, le Parti communiste était habitué, lui, à des règles de clandestinité. Vous allez entendre le milicien Jacques Bouisset. La libération nationale est inséparable de l'insurrection nationale. Tel est le cri de guerre du grand français qu'est Charles de Gaulle. Nous ne voulons pas retomber sous la coupe du communisme juif international qui a déjà entraîné notre pays au bord de l'abîme. Déjà dans tout le pays, la répression s'accentue. Sous la ferme volonté du secrétaire général au maintien de l'ordre, les pillards sont traqués, les bandes un peu partout dispersées. Les assassins soumis à la juridiction de cours martiales qui font bonne et prompte justice. La milice elle-même, si longtemps accusée d'inaction, ne se contente plus d'actions indiscrètes, dont la discrétion d'ailleurs n'entravait en rien l'efficacité, et participe en Haute-Savoie, aux côtés des forces du maintien de l'ordre, à des opérations d'envergure où plusieurs centaines de francs-gardes forcent, par leur discipline, leur calme et leur foi patriotique, l'estime et l'admiration de tous. Il y a plusieurs groupes qui sont concurrents parfois, mais qui se donnent aussi des coups de main en permanence, qui assistent à des actions concertées entre eux. Comment réussir à peut-être cartographier ce réseau de collaboration, particulièrement à Grenoble ? C'est excessivement difficile pour plusieurs raisons. Mais d'abord, vous avez raison, ils sont concurrents. C'est-à-dire que chacun agit pour sa chapelle. C'est-à-dire que les membres du PPF restent des membres du PPF. Les membres des Jeunes de l'Europe Nouvelle restent des représentants des Jeunes de l'Europe Nouvelle. Les membres de la milice restent des membres de la milice. Et ce qui importe, c'est leur parti ou leur mouvement par-dessus tout. Pour plein de raisons, idéologiques, politiques, pour le fait que le butin qu'ils ramassent quand ils arrêtent les gens est conséquent et qu'ils en gardent une partie pour eux, mais ils en reversent une partie aussi aux caisses du parti. Et donc, tout ceci fait que chacun a sa propre paroisse. Si vous lisez attentivement certains rapports, on vous explique qu'il y a des gens qui sont venus arrêter les Juifs qui habitaient à côté, qui avaient des écussons avec un Y sur la poitrine. Ce que les gens voient comme un Y, en fait, est le symbole des Jeunes de l'Europe Nouvelle, qui est la rune de vie, une rune SS, qui est récupérée par ce mouvement-là. Et donc, on sait donc que les gens qui portent ce Y sont les militants des Jeunes de l'Europe Nouvelle, etc., etc. Une grande partie de ces unités agissent, pas systématiquement, mais souvent en uniforme. Qu'il s'agisse des miliciens, qu'il s'agisse des Jeunes de l'Europe Nouvelle, qu'il s'agisse parfois même du groupe Barbier, qui a des uniformes bleus, qui sont les uniformes du PPF. Il y a des marqueurs et qui montre que ces gens, et j'insiste là-dessus, ont une idéologie. Ce n'est pas des gens perdus qui se sont lancés dans un combat qui les dépasse, mais qui se mettent littéralement au service de leur parti à côté des Allemands. On peut repérer quelques actions d'éclat, ou en tout cas quelques événements marquants auxquels Jean Barbier participe directement dans l'arrestation ou dans le meurtre même de certains juifs ou de certains résistants. J'imagine que c'est difficile d'annoncer un chiffre des victimes directes de Jean Barbier, mais est-ce qu'on peut peut-être repérer comme ça quelques épisodes ? En fait, c'est très difficilement estimable pour une très simple raison. À partir de l'été 1944, les ultras locaux vont développer une méthode relativement simple en ce qui concerne les juifs. C'est que s'ils les remettent aux Allemands, ils doivent concéder une partie du butin. Ils vont donc commencer à éliminer eux-mêmes des juifs plutôt que de les remettre aux Allemands pour garder le butin et se débarrasser des corps en les balançant notamment dans l'Isère. Donc ils s'approprient tous leurs biens, leurs appartements, le contenu de leur appartement et se débarrassent des corps. Et ils exécutent les gens, ils jettent les corps dans l'Isère. Et parmi les interrogatoires d'après-guerre, il y a un membre de ces unités qui explique que la méthode idoine consistait à ceinturer le corps d'explosifs pour qu'il soit désintégré, qu'on n'en retrouve rien. Donc il y a vraiment une solution finale mise en place localement. Ce qui fait que d'une part, le nombre des victimes est difficilement estimable parce qu'il y a une proportion dont on ignore tout et qu'on ne peut pas tracer. Et d'autre part, parce qu'on ne peut pas savoir systématiquement qui a arrêté qui. On peut savoir éventuellement qu'une équipe du PPF a arrêté une personne, un juif ou un résistant, mais la composition à proprement parler des groupes est très difficile à établir, surtout quand on a affaire à des gens qui sont ensuite éliminés physiquement. Un millier de victimes, dont une partie est envoyée à Drancy, une partie exécutée sur place, c'est au moins 150 personnes exécutées sur place, entre le printemps 1944 et la libération de Grenoble. Ce sont quelques dizaines de personnes, en gros on va dire une soixantaine ou 80 Français qui agissent entre septembre 1943 et l'été 1944 à Grenoble pour le compte des Allemands, auxquels il faut rajouter les Allemands qui les contrôlent et quelques groupes particuliers agissant au sein de la police allemande. On est sur moins d'une centaine d'hommes directement attachés à ces missions. Mais en plus, il faut rajouter tout le complexe sécuritaire, pour employer un mot à la mode aujourd'hui, autour de ça. C'est-à-dire que quand il y a une opération de la police allemande, il y a souvent la Wehrmacht qui vient épauler cela. Une des grosses opérations qui ont été réalisées par la police allemande à Grenoble, c'est la rafle qui a eu lieu au Square des Postes en décembre 1943, qui est une rafle de représailles. C'est monté par l'équipe d'André, spécialement détachée de Lyon, mais c'est la Wehrmacht qui ceinture le Square des Postes et ensuite les hommes de la police allemande et donc les Français qui travaillent pour eux, qui procèdent aux arrestations et aux identifications. Je pense que cette violence a atteint son paroxysme en entre juin et août 1944. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'hiver 1943-1944, on assiste à un basculement d'une résistance politique, d'une résistance pour les maquis de cache, c'est-à-dire où des réfractaires au STO vont se cacher, à un basculement au printemps 1944 vers des logiques de lutte armée. Que ce soit du côté des maquis, puisque l'hiver 1943-1944 dans la région a été très rude, et que vous aviez tout un tas de jeunes gens qui avaient fui le STO, qui s'étaient retrouvés dans la montagne, donc entre février 1943 et l'hiver 1943-1944, et puis à l'hiver 1943-1944, ils ont eu trop froid, ils sont redescendus. Il y en a un certain nombre qui sont redescendus en ville, c'était pas des gens habitués à la montagne, les conditions de vie déjà à la montagne étaient précaires, mais alors en plus en se cachant, c'était encore pire. Et en ville, les groupes francs, donc ces groupes francs, c'est ces équipes de résistance urbaine, comme la manœuvre immigrée d'ailleurs, qui ont été particulièrement actifs en matière de sabotage et d'attentats, ces groupes francs et ces groupes des Moïs se sont radicalisés dans des attentats et dans de l'action directe, on va dire. On peut l'observer aussi grâce aux rapports de police et de gendarmerie qui dressent des tableaux, des listes des attentats. Ça prend tout un tas de formes diverses et variées. Ça va de la destruction d'un pylône électrique à l'assassinat d'un collaborateur, en passant par les destructions d'usines, les pillages de tickets d'alimentation des chantiers de jeunesse, etc., etc., les destructions de voies ferrées, évidemment. La terre est pleine de fleurs, nous disons. La terre est pleine de fleurs. De Minos à Radamante, une violoniste fera sangloter longuement le violon. Ce passage à la lutte armée, il va aller crescendo sur l'année 44. En juin 44, bon, il y a le débarquement en Normandie. C'est la mobilisation du côté de la résistance, avec tout un tas de messages à la BBC qui sont bien connus. La levée en masse des maquis, dans le Vercors notamment. Mais aussi une mobilisation du côté de ces mouvements ultra collaborationnistes. Darnand proclame juste après le 6 juin 44, décrète la mobilisation générale de la milice. C'est-à-dire qu'il lâche la bride, en fait. Il lâche la bride sur les pratiques de violence de cette milice qui était déjà violente. De même que pour un certain nombre de ces groupes d'action, de ces mouvements, PPF, Jeunes de l'Europe Nouvelle, qui ne sont pas des miliciens, et qui, par contre, rentrent dans la même logique de violence que les miliciens, et ainsi s'enclenche entre juin 44 et août 44 un climat d'extrême violence dont on connaît l'état par les témoignages des résistants, des Grenoblois, et Grenoble, entre juin 44 et août 44, encore une fois, Grenoble est devenue une ville qui est aux mains de ces groupes de miliciens, de ces groupes d'action dont Jean Barbier est l'un des instigateurs. Et je pense que pour les Grenoblois à cette période-là, pour la population, les gens qui habitaient à Grenoble, ça a été extrêmement dur. Inter, actualité. À Grenoble, autre chose. 20 juin 1963. Une vieille affaire, l'affaire Barbier. Jean Barbier, c'est l'ancien chef de la Gestapo de Grenoble, qui vivait depuis des années sous un faux nom à Marseille, et qui, mêlé à une affaire assez louche tout dernièrement, était démasqué. Il était temps, dans 2 ans, il y avait prescription. On lui reproche des crimes affreux, des exécutions, des tortures. Hier, on l'a confronté avec 5 anciens résistants du Vercors, qui tous l'ont reconnu, qui ont dit « c'est bien lui qui nous a torturés ». Jean Barbier répond « il se trompe, ils me prennent pour un autre ». Il nie tout. Il dit qu'à l'époque, il se considérait comme un combattant et qu'il croyait faire son devoir. On va le confronter maintenant avec d'autres résistants. Dans les témoignages rapportés au moment du procès, des témoignages qui expriment que finalement... Olivier Cogne. Certains soldats ou certains agents de la SS considèrent que ces Français font des choses qu'eux-mêmes n'auraient pas osé faire. On a affaire à des tortionnaires de la pire espèce. Bon, Guy Eklash est un élément important de la collaboration locale. Par ce rôle-là, cadre de la milice, lui est sous-officier de carrière. Il est tout jeune, comme Barbier et comme Francis André, même pas la trentaine à l'époque où il commet ses méfaits. Il réquisitionne avec d'autres une villa, rue Henri Dingue, et c'est là qu'il commette donc toutes ces atrocités, tortures, assassinats, avec une partie de la maison qui est réservée à leurs besoins sexuels, si on peut s'exprimer ainsi. Donc c'est vraiment une maison abominable qui fonctionne ainsi pendant plusieurs mois jusqu'à la libération, puisqu'il faut vous dire que ces hommes-là, jusqu'à la libération de Grenoble, ont continué à commettre leurs méfaits. Je vous citerai un exemple parmi d'autres qui est assez éloquent. Du fait du débarquement sur les côtes de Provence le 15 août 1944 et de la progression des troupes américaines qui se trouvent à quelques dizaines de kilomètres de Grenoble, des troupes d'occupation allemandes quittent la ville dans la nuit du 21 au 22 août 1944. À minuit, il n'y a quasiment plus de soldats allemands à Grenoble. Eh bien, les derniers collaborateurs qui sont encore là, les plus connus savent que leur sort est réglé, vont partir avec l'occupant, mais commettre avant de partir des atrocités, des exécutions. Donc c'est dire la mentalité de ces individus qui jusqu'au bout vont commettre, alors que tout est perdu, de telles exactions. C'est pour nous complètement impensable. Et Jean Barbier est dans cette veine. Pour évoquer ce qui a longtemps été présent dans la mémoire grenobloise, l'une des opérations les plus connues où le nom de Barbier est évoqué, c'est l'arrestation à la veille de la libération d'une famille de juifs grenoblois qui s'appelait les Cohen Faradji, c'est-à-dire une mère, son enfant, les parents de cette femme, qui sont arrêtés à la veille de la libération, qui vont être emmenés sur le pont suspendu, qui n'est pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons, qui vont être exécutés sur le pont suspendu et jetés dans l'Isère, juste avant que ces PPF fuient vers l'Italie. Et au sortir de la guerre, quand la justice va enquêter, un certain nombre de témoins, notamment des membres de ces groupes qui ont fui en Italie, vont expliquer qu'ils savent que c'est Barbier qui a réalisé cette opération parce que la femme de Barbier portait le manteau en fourrure de la femme qui avait été exécutée. Barbier ou ses affidés ou leurs semblables exécutent purement et simplement des gens au cœur de la ville ou alentour. Ça ne génère pas de documents et ça ne génère pas de traces autres que le corps si le corps est retrouvé. Et de fait, dans les archives aussi bien pour ce qui concerne Grenoble ou Lyon, on se trouve face à des dizaines de corps qui vont être retrouvés durant les derniers mois de l'occupation, souvent sans qu'on sache exactement qui les a exécutés et pour quelles raisons. Ça peut paraître incroyable, mais cet homme qui a donc été au service de l'Allemagne nazie a été déporté au camp de Mauthausen par les nazis qu'il a servi. C'est en effet pour des raisons d'argent qu'il avait soustrait au moment des pillages qu'il a opérés, donc, notamment dans la région. Et il faut croire quand même que cet homme-là n'était plus assez utile à l'Allemagne nazie et que ses méfaits étaient tels que pour cette autorité nazie, il n'était pas supportable voilà, de garder un individu de ce type. C'est dire aussi... Le profil de l'homme auquel on a affaire. Qu'à un moment donné, ceux pour lesquels il a servi s'en soient débarrassés et les déportés en tant que droit commun. Hein. Évidemment, il ne s'agit pas là de faire de Jean Barbier une victime de l'Allemagne nazie. Cet homme est déporté comme un certain nombre d'individus dans les camps nazis, ce qui n'est pas forcément très connu, pour des raisons de droit commun. Vol... Viol, enfin, affaires pénales diverses. De fait, ça arrive régulièrement que des collaborateurs des Allemands soient arrêtés et parfois déportés. C'est le cas notamment de Jacques Schweblin, qui est directeur de la police aux questions juives à Paris et qui va être arrêté et déporté par les Allemands à Buchenwald parce qu'il a oublié de leur reverser une partie du butin qu'il a pillé sur les Juifs à Drancy. Donc ce n'a rien d'extraordinaire ou d'exceptionnel, c'est tout simplement que si on ne respecte pas les accords de travail avec les Allemands prennent les mesures qui s'imposent. Et Jean Barbier disparaît complètement pendant presque 2 décennies après la libération ? Barbier va faire partie des grandes figures de la collaboration à Grenoble qui vont disparaître. Une partie des grandes figures comme Guy Eklash, le patron des Jeunes de l'Europe Nouvelle, vont être capturés au sortir de la guerre. Amené à Grenoble pour être jugé. Barbier fait partie des 3 ou 4 figures principales, avec Jean Audoz, qui est un autre membre du PPF, et puis Berton, qui est le responsable du 2e service de la milice, qui vont échapper à l'épuration parce que on ne les retrouve pas. En fait, visiblement, Barbier a profité de son arrestation par les Allemands et sa détention en camp de concentration pour se refaire une virginité. Il va aller s'installer à Marseille au sortir de la guerre où il va développer des activités très particulières puisqu'il va se mettre au service d'un mouvement sioniste qui favorise le passage clandestin des Juifs vers la Palestine britannique. En fait, il va travailler au passage des combattants de la Haganah depuis la France vers la Palestine d'après les informations qui avaient été collectées par la police au moment du procès. Ce qui est de fait est intéressant, c'est qu'effectivement il y a ce point qui est intriguant. Il traque les Juifs pendant quasiment 2 ans, puis ensuite il permet à une organisation clandestine qui œuvre pour l'indépendance de l'État d'Israël de se mettre en place. On peut y trouver une forme de cohérence. Il ne veut pas de Juifs en France. Avant il les tuait, maintenant il leur permet d'émigrer. Ouais, c'est une façon de se recycler en gardant un savoir-faire. Mais d'une certaine façon, le fait de retrouver, si on enlève de côté la dimension très particulière de sa reconversion, le fait de retrouver des anciens de la collaboration de la police allemande au service d'opérations clandestines au sortir de la guerre est éminemment classique. C'est ce qu'on va retrouver avec Klaus Barbie qui va être utilisé par la CIA. C'est pour littéralement des milliers d'Allemands qui ont opéré au sein du SD ou des collaborateurs de différents pays qui vont être utilisés par les services secrets aussi bien occidentaux que soviétiques ou dans le monde arabe. Par exemple, Alois Brunner, qui est l'un des principaux adjoints d'Eichmann, va devenir le grand organisateur des services spéciaux d'Hafez el-Assad. Donc cette activité clandestine au sortir de la guerre, ça va être une façon pour ces hommes-là qui ont fait ce travail pendant 1, 2, 10 ans, entre 33 et 45 selon les circonstances, de continuer à opérer avec le savoir-faire qu'ils ont acquis et qu'ils ont redoutablement mis en œuvre. La cour ! Mesdames, messieurs, veuillez vous asseoir. Son avocat a essayé d'atténuer au maximum, évidemment, sa culpabilité en jouant Fabrice Virgili sur sa jeunesse, en jouant sur le contexte de guerre civile qui emporte tout le monde. Ça, c'est les paroles de l'avocat. Point de vue historique, la question de la guerre civile en est une autre. Mais en jouant aussi, évidemment, et ça c'est un classique dans la défense des collaborateurs, sur les gens qu'il aurait pu aider, sauver. Il prétend avoir sauvé le grand rabbin Schwartz, avoir contribué à aider la résistance. Il prétend même, je crois, avoir giflé un moment un officier de la SS. Enfin, l'idée, c'est de montrer toujours, de jouer de l'ambiguïté d'un double jeu, qui est finalement l'argument qui va être utilisé de manière très différente par très nombreux collaborateurs, y compris par Pétain. La défense de Pétain, c'est le côté du double jeu avec De Gaulle. Ce mode de défense peut être décliné et se retrouve décliné par un nombre incroyable de collaborateurs qui vont toujours jouer ça. Et pour quel crime arrive-t-on à faire la preuve tangible de la culpabilité de Jean Barbier au cours de ce procès ? Alors justement, les témoignages vont jouer un rôle très important. Et ça va être un des éléments les plus à sa charge. Donc, il est accusé de torture, d'avoir participé aux interrogatoires, d'avoir conduit un ensemble de résistants à la déportation. Donc, il y a vraiment des accusations très précises. Et c'est vrai que les questions de la torture, de l'accusation de tortionnaire, sont celles qui emportent le plus, finalement, la culpabilité de Jean Barbier. On arrive à retracer son parcours pendant ces 17 années où il disparaît. Je crois qu'à partir de 47 ou 48, épicier. Donc voici un homme qui semble paisible. Il a une compagne, il va avoir deux enfants et donc il vit comme ça dans la région de Marseille comme un épicier avec une autre identité pendant 17 années. Et en 66, Charles de Gaulle, qui est alors président de la République, le gracie. Olivier Valade. Il fait valoir son droit de grâce, comme le faisaient les présidents de la République, ils en avaient le droit. Donc, il le commue la peine en réclusion criminelle à perpétuité. Et Pompidou, dans les années 70, va commuer cette peine en 20 ans de prison. Parce que, entre 66 et les années 70, on va découvrir la collaboration. C'est les positions de Georges Pompidou, qui devient président de la République dans les années 70, autour de l'affaire Touvier, où il dit « il faut oublier ce temps où les Français ne s'aimaient pas ». Le fait que Pompidou ait commué cette peine en 20 ans de réclusion criminelle, de 20 ans de réclusion criminelle, excusez-moi, c'est aussi un signe des temps. Mais quelles ont été les réactions des Grenoblois à l'annonce de cette grâce ? Les Grenoblois se sont vraiment émus de cette grâce. On le sait parce qu'un certain nombre d'associations d'anciens résistants ont fait des communiqués de presse. Donc on a des traces écrites de ces protestations. Ça a été même au-delà de ça, puisque Grenoble avait un maire. Depuis 59, Grenoble avait un maire gaulliste. Ce maire gaulliste s'appelait Albert Michalon. Il avait été résistant. Il était médecin dans la résistance. Son nom de guerre, c'était Buridan. Il avait notamment monté des hôpitaux dans les maquis du Grésivaudan pour soigner les maquisards qui étaient blessés lors d'accrochages ou de combats. Donc Albert Michalon, gaulliste convaincu, devient maire de Grenoble en 59. C'est une alternance, donc il est très très très gaulliste. Et pour vous donner un signe, en 66, il démissionne du parti gaulliste, donc de l'UDR, dont il était membre. Il démissionne. Donc c'est un acte fort, puisque résistant, gaulliste convaincu, il s'oppose là à une décision du président de la République Charles de Gaulle par rapport à cette histoire de grâce. « 12 février 1984. Jean Barbier, celui que l'on avait surnommé le Eichmann de Grenoble, tant son zèle était grand au service des nazis durant la guerre, Jean Barbier a été libéré après 20 ans de prison. Il est sorti de la centrale de Melun à la fin de l'année dernière, à une date qui n'a pas été révélée. Il avait été condamné à la détention à vie. Barbier pourrait avoir quitté immédiatement la France pour l'Allemagne fédérale où réside sa mère. Jean Barbier avait été initialement condamné à mort et gracié le 29 juillet 1966 par le général de Gaulle. » Sa libération entraîne quelques échos dans la presse ou dans les médias, quelques échos locaux, mais très peu en fait. On est dans une forme de paradoxe à ce moment-là, on est passé à autre chose. La mémoire locale de la collaboration n'existe plus vraiment. Mais en même temps, ça intervient quasiment chronologiquement juste avant l'affaire Barbie. C'est-à-dire qu'au moment où sortent les derniers grands collabos français de prison, on va voir la dernière vague de grands procès pour crimes contre l'humanité en France, qui va être inaugurée par le procès Barbie à Lyon, qui va être suivi par le procès Touvier. Et Barbie, c'est un Allemand, Touvier, c'est un membre de la milice, et puis ensuite Maurice Papon, qui est membre de l'administration française. Donc assez curieusement, on assiste à une transition qui fait que la mémoire locale s'apaise et la mémoire nationale va jouer un rôle très important dans ces grands procès pour crimes contre l'humanité, mais on change aussi de registre et d'infraction. C'est plus la collaboration, l'intelligence avec l'ennemi qui est poursuivie, mais c'est les crimes contre l'humanité. Puisque Barbie est le premier des procès pour crimes contre l'humanité, qui sera suivi de trois autres, les procès de Touvier Papon et celui par contumace d'Aloïs Brunner. On rentre dans la période où, pour le coup, là, on est sur une politique d'État qui va viser les crimes contre l'humanité. Alors, politique d'État, pas au sens de décider par un président, puisque François Mitterrand avait des rapports assez particuliers par rapport à ces questions, mais au sens de, c'est à partir de ce moment-là où l'État français et la France va commencer à instruire les questions de collaboration au plus haut niveau et aboutir in fine au discours du Veldiv de Chirac en 1995 qui constitue une forme de fin des débats mémoriels et la reconnaissance du rôle de Vichy en tant qu'État collaborateur. Noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Jacques Chirac, 16 juillet 1995. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Merci à Tal Brutmann, Olivier Cogne, Olivier Valade, Raymond Avrier et Fabrice Virgili. Merci également à Roselyne Vaquetta, Bernard Bolz et Henri Rousseau. Prise de son, Manon Moussin. Archivina, Yves Gaillard et Aurélie Marsay. Mixage, Bernard Laniel. Jean Barbier, un collaborateur en Isère, Anaïs Quin, Françoise Camard. Demain, nous poursuivons cette semaine consacrée à l'histoire de l'épuration après la Seconde Guerre mondiale en Europe en nous demandant ce qu'il est advenu des amnisties qui étaient relatives à cette même épuration avec Marie-Bénédicte Vincent et Stéphane Gacon. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit, laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.